L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Aude est artiste du vivant et expose ses œuvres à Saint-Nicolas-de-Port au musée du cinéma et de la photographie. Ce sera du 4 juillet au 30 août. Aude, bonjour. Bonjour. Alors l'exposition s'appelle Travaca. Première question, ça veut dire quoi Travaca? En fait, Travaca, c'est les premières lettres de mes quatre axes en art numérique intuitif. TR, c'est tapis de la révélation. Ava, c'est avatar, mais avatar, en fait, moi, je l'écris avec un T au bout. Et Ava en majuscule parce que dans d'anciennes traditions, Ava, c'était le nom de la première mère. Et le Théobo pour dire que l'art, c'est une transmutation de mon art premier et que l'art nous transforme. Le C, c'est l'axe classique, donc c'est des photos, des prises de vue uniquement sur les éléments où il y a un traitement post-production. Parce que moi, j'accentue beaucoup mes couleurs parce que j'aime la couleur. Donc, je ne fais pas de copier-coller sur la nature. Et le K, ça veut dire kaléidoscopie. Pourquoi j'ai mis le K et le A en majuscule? Parce que le K, c'est, dans d'anciennes traditions, notamment égyptiennes, c'est le double énergétique de l'être humain. Voilà. Voilà le secret qui se cache derrière ce nom de l'exposition Travaca, qu'on va donc pouvoir découvrir au musée du cinéma et de la photographie tout cet été. C'est pas la première fois que vous exposez? Non, c'est pas la première fois. Chez eux, ça fait deux fois que j'expose. Et puis autrement, j'expose depuis 2007. Mais là, il y a eu beaucoup de changements en 2015 par rapport à mon pseudo, etc. Et cette année, j'ai exposé à Bernay, dans l'Eure, au Salon des Arts d'aujourd'hui. Au mois de décembre, j'exposerai également à Strasbourg pour le Winter Salon. Et j'ai eu une super bonne surprise pour mon anniversaire qui était au mois de juin, durant le mois de juin. Et mes œuvres vont être exposées au Québec. J'ai quatre œuvres qui partent au Québec pour être exposées le premier trimestre 2019. Effectivement, une très belle nouvelle. Donc, pour nous de la région nancéenne, on va pouvoir découvrir vos œuvres, même avant le Québec, pour le coup, donc à Saint-Nicolas-de-Port. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir donc, essentiellement des photographies, c'est bien ça hein? En fait, il y aura une vingtaine d'œuvres présentées sur différents supports, comme de la toile comme pour les peintres, sur du papier, mais également sur du métal. Et en fait, donc, il y aura mes quatre axes. Moi, je ne travaille, mon axe principal, mon objectif, c'est la nature. C'est pour montrer toute la beauté de la nature. Donc, les classiques, comme je vous l'ai expliqué, c'est simplement une prise de vue avec un traitement post-production derrière. En revanche, mes axes tapis de la révélation, kaléidoscopie et avatar, là, il y a vraiment un gros travail de transmutation, de transformation derrière pour ouvrir d'autres univers. Mais la particularité, notamment des axes tapis de la révélation, avatar, kaléidoscopie, c'est qu'ils peuvent se tourner. Donc là, moi, je propose, en dehors du vernissage où je serai présente le 12 juillet, le jeudi 12 juillet à partir de 18h, j'invite vos auditeurs et auditrices à me contacter par ma page Facebook qui est Aurode-art avec un S, parce que je vais proposer tout l'été, du 4 juillet au 30 août, du mercredi au dimanche, des visites avec moi. Et là, je vais décrocher les œuvres. Comme ça, les visiteurs pourront toucher les œuvres et pourront les tourner pour voir tout ce qu'il y a autre. Parce qu'en tournant les œuvres, il y a autre chose qui se dégage. En fait. Justement, alors voilà, cet axe aussi de pédagogie, d'accompagner le spectateur lors de ces expositions, c'est important pour vous? Oui, c'est important parce qu'en même temps, ça me permet de discuter avec les visiteurs, d'avoir leur point de vue, parce que des fois, ils perçoivent des choses, ils regardent les choses différemment, ils perçoivent des choses différemment que... Et moi, ça m'arrivait bien souvent, on me disait, ouais, moi, je vois... comme quand on est enfant, on regarde les nuages, on voit des formes, et ben là, dans mes créations, c'est pareil, en fait. On peut voir plein de choses. Alors, le vernissage, c'est donc le jeudi 12 juillet à 18h à la Galerie Bellini, donc au Musée du cinéma et de la photographie de Saint-Nicolas-de-Port. Donc, vous attendez plein de monde, j'imagine, tous ceux qui... J'espère, ouais. Ouais. Bon. En plus, on a de la chance, il n'y aura pas de match de Coupe du Monde. Ah bah, raison de plus, alors. Raison de plus pour y aller. Et puis bon, peut-être qu'il ne fera pas trop chaud, ce serait bien aussi, parce que s'il y a la canicule, on verra bien. J'ai une petite dernière question quand même, parce que vous avez déjà plusieurs expositions, vous allez même bientôt exposer au Québec. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans la photographie, qui voudrait exposer une première fois ou qui n'ose pas justement se lancer dans une exposition? Est-ce qu'il y aura un conseil à donner comme ça? Bah déjà, il faut choisir l'axe, l'objectif que l'on veut que l'on veut transmettre par rapport à ses prises de vue ou ses créations. Et puis, il faut oser. Et puis, si la porte, elle se ferme, c'est pas grave, on recommence. Et puis, on continue jusqu'au jour où on peut... Il y a une personne qui tombe... J'allais dire red death. Je vais m'excuser pour l'expression, mais qui tombe en amour devant vos créations ou qui... pour qui vos créations parlent, et à ce moment-là, ben, ça commence. Et puis, vous allez dans des lieux. Moi, j'ai commencé à exposer dans des restaurants, j'ai exposé dans des galeries. Voilà, après, il y a les lieux, on va assigner les lieux par rapport aussi aux ressentis, aux personnes. Moi, il y a des lieux que j'ai visités et que je ne ressentais pas et j'ai refusé. Parce qu'on a le droit de refuser. Merci en tout cas pour ces bons conseils. L'exposition Travaca vous attend donc tout l'été du 4 juillet au 30 août à la galerie Bellini, 10 rue Georges Rémy à Saint-Nicolas-de-Port. Alors c'est visible du mercredi au dimanche, hein, les après-midi, oui, c'est bien tout ça. À fait, ouais. Et donc sur demande, sur réservation, on peut vous contacter via votre page Facebook. On remettra les coordonnées sur le site de la radio pour des visites plus ciblées. Oui. Tout à fait, plus personnalisé. Puis on peut boire un coup ensemble aussi. Et l'entrée est libre, bien sûr, pour cette exposition. Merci beaucoup, oui. Aude. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.